J'ai tapé dans le mille, elle veut un ours à la fête. T'es la Lorraine de ta ville et tu tends pas l'oreille. Je m'en bats les couilles de celui qui fait des cocktails. La putain décolleté, rouge, déporté et bouche. Elle fera la belle et à son accouchement. On verra, c'est pas lui le daron, la teon. Je veux pas que ça m'arrive. Tu veux un gamin, un parent pour les ronds, il paraît, je veux pas que ça m'arrive. Moi je restais calme et instauré au sein du groupe du respect. Des gros seins, tu m'ouvres bien, viens là pour qu'on t'examine. Et viens, on parie que c'est pas crari, j'ai les prix pour ma team. J'envoie ta prix pour ta fille. Bientôt je vous remercie, je vous l'intercie. Je suis pas persi, on opère sous non antarcie. Comme Clémentine, je fais ça sans la drogue. Comme Clémentine.